Les amis, changez maître, changez métier. Moi, la fronte, nos bagages qui passent. C'est vérité, c'est pas menti. Parce que toujours dit, oh oui, c'est coupé, t'as plein de fausses séries de bagailles. Mais je dis à mine ma vérité, faut être capable de t'en. Eh bien, c'est ton camarade qui est le Marcel. Mais, si à vivre, par contre, ça passe, monsieur. Il vient barrer avec mon fille. Et puis, il dit, fille, elle remène. Non, parlez, fille, amène, monsieur Lakaïli. Dès qu'il est Lakaïli, il fait connaissance avec maman, fille. Il fait connaissance avec papa, fille. L'aime tout ça, faut pas plus. Il faut vivre dans Kaïla. Depuis là, c'est chaque soir. C'est Vichita Kafia. C'est petit bouche maintenant plus fia pour la praline de la Skaoul. Vous comprenez? C'est mettre maintenant petit bouton radio li. A chercher petit poste caso, petit poste rebelle. Vous comprenez? Et puis vous avez descendu meni, à dactylographie. Oui, oui, oui. Mais, quand il chante, à son cas, il cante. C'est pas qu'on a qui condition là. C'est qu'on est pas qu'on a fait le feu école là. Mais, là, je suis la Kafia. Il n'y a pas jamais manqué dans la chambre. C'est toujours salon avec galerie. Et puis, il y a aussi tellement vu habitué ensemble. Monsieur Vigné, ouais, j'ai ça avec nous dans la. Monsieur a pompé sort en dedans. Et bonjour, monsieur est en dedans. La passé. Et puis il voit ici dans la carbone fille. Lui ouais, nous musique ok. Il garde les boys ici, ils ont fusé Spenfield. Il garde l'autre bord, ils ont 45. Il garde la tête maintenant, mais l'on voit comme un cas qui coque la tête maintenant. Oui, ah, monsieur Finan qui est dans la là, monsieur Bagadi, rien. C'est G.O.E. bouche pé. Monsieur Boule la fille, boule, boule. Boule, boule, boule avec fille dans la là. Oh, bonjour, ça vient passer, monsieur. Où qu'on est? Bon bagaille, faut toujours faire. Par exemple, elle est dans le monde, elle est dans le monde, elle. Il toujours combat à l'île, fait comme d'adou. Il doit avoir un petit bout de charme. Bagay, si on connaît pas ça, petit bout de charme. Mais moi-même, changer non. Je vais parler de bout de charme. Il aurait ça, tu voudras. Tu voudras. Il peut être fièrement à l'air avec tu voudras. Donc, comme à l'air, il perd du cap, il ne pas posséder, il ne peut pas encore. Il vit une ta tête. Comment les cas là sont calcantés? Je ne sais pas comme ça. Je ne sais pas comment si fier des fillettes là, l'eau. Si tes premiers sergents me disent ça, il n'y a pas de compte bagage ça. Si t'es témoin Jéhovah, il n'y a pas de compte bagage ça. Ça vient de libre net. Oh, vu avec fille. Bonjour dimanche. J'ai vu manger Kafia. J'ai vu bien manger. Non, bien manger. Et puis, pourquoi on est des bonhommes qui manger bien manger? Vont tout plein correctement. Ouais, l'autre bagage pour faire. Pour qu'on finisse, comment c'est rentré? Au bécaille. C'est rentré. C'est quand tu bouges chez misette, 16e zouli. Tu as quand tu bouges chez bon, 3-8e zouli. Et puis, il y a ce cas maintenant, il n'y a pas les causes, il n'y a pas le cycle de bagaille longtemps, bagaille, allez, mais les vignes, bagaille, ça y est. Par contre, ça vient de passer. Mamzelle font virer d'oile. Et puis, Marcel fait ça le garder dash. Fia, son quoi, c'est du fia. Chérie, chérie, si tu as ta jupe transparente, j'aperçois des moustaches. Oui, soit t'en dis, cap Marcel prend vent, Marcel cap en l'air, cap il prend vent. Oui, oui, dans mon autre moment, on va de Marcel qui fia. Chérie, en alpha, oui. Fia, même tes trois belles, je bagaille là. Il a couché sous dos, ouvert Zelly, Marcel même barrette. Oui. Zouka, chit, zouka, oui, oui. Mamzel dit garder non Marcel. Marcel, pas femme soit femme non. Pas femme soit femme, pas permettre ou femme soit femme non. Descends nous carbone non. Habillé ou, m'a pas arrêté ou. Marcel dit oh, chérie, soit faire comme ça. Soit faire comme ça. C'est Marie ou soit faire comme ça. C'est Marie ou soit faire comme ça. Madame Marcel dit détail. Faut arrêter ou descendre carbone habillé ou. Madame Marcel levé le point bleu, le met sous lit. Il prend cartouche, elle passe dans René. Il prend fusil, il met dans Donny. Il dit Marcel devant. Ouais Marcel, même pour diable, il va aller. Le patron qui s'en tape tomber.